toutes mes visions. La fatalité n'est pas dans mon viseur. Je vis ma vie avec raison, suivant les rythmes de mon cœur. Je n'hésite pas à le suivre, car il m'a jamais trahi. Toujours fidèle à ce que je fais, il m'aide à vivre de mes envies. Il me conseille sur l'endroit où se dirige mes choix. Et quand je ne l'ai pas écouté, c'est des pleurs qui récolta. Je peux vous dire donc qu'aujourd'hui, le destin je n'y crois plus. C'est un mensonge inventé par des êtres corrompus. Et c'est pour cela que je veux rompre avec ce qui nous ronge, en exprimant ce qui dérange par des rangs de songes que j'allonge. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas le d'imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas le d'imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question. La vie que je dessine n'a pour pas ma volonté. C'est elle qui accompagne mes actes dans leur tracé. Pas de toi comme support, donc pour me supporter, l'expérience en est le seul supporter. Écoute ce que mes écritures ont sur le cœur. Écoute leur poésie te suggérer des idées de bonheur. Personne ne peut t'obliger à continuer dans une lancée, à faire une filière que tes parents ont eux-mêmes décidé. Concrétise tes idées, ce ne sont pas des mirages. La route n'est pas droite à chaque pas, il y a un autre passage. Va, prends ton courage, envole-toi. Envole-toi. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas nous imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas nous imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question. Hors de question, hors de question. Hors de question, hors de question. Hors de question, de question. Hors de question, de question. Hors de question, de question. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas lui d'imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas lui d'imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas lui d'imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question. Notre histoire s'écrit depuis notre création. Nous sommes les propres acteurs, le destin n'est qu'illusion. Ce n'est pas lui d'imposer ses propres conditions. Non, hors de question, non, hors de question.